بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, il est Allah, l'un. الله الصمد Allah, le prime ultime. لم يلد ولم يولد Il n'a pas engendré ni n'a été engendré. Et nul n'est son égal.